vie de Sainte Rita, par Mademoiselle Ferland, Québec, 1910, Mark M. Dan, archive.org. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique. Première partie. Rita dans le monde. Chapitre 1er. Cassia, les parents de Rita, sa naissance. Sainte Rita Urit naquit à Rocaporena, en 1381, pourtant on la nomme Sainte Rita de Cassia, parce qu'elle vécut plusieurs années en ce lieu, et qu'on y vénère son tombeau. Cassia est une ancienne et illustre ville, bâtie à l'ombre des Apennins sur les confins de l'Ombrie, à 56 km de Rieti et à 48 km de Spolète. Des combats sanglants et continuels entre les Guelfes, partisans des papes, et les Gibelins, affligèrent l'Italie pendant plus de 4 siècles. Cassia, alors placée sous l'autorité du Saint-Siège, jouissait en paix de toute sa liberté, sous le gouvernement paternel des souverains pontifes. Cassia fut la patrie d'un grand nombre de familles illustres. Elle fournit à l'Église des cardinaux, des prélats, dont la science et la vertu en ont été la gloire. Les moines de Saint-Augustin demeuraient dans les bois aux environs de Cassia et la renommée d'éloquence et de sainteté que plusieurs d'entre eux acquirent, rejaillit sur leur opulente voisine. La gloire n'est qu'une fumée devant Dieu. Aussi quand il veut donner à l'humanité déchue le Messie promis au premier homme, il choisit Bethléem, la moindre des cités de Juda, pour son berceau. Sainte Rita qu'il destina une si haute sainteté voit le jour à Rocaporena, hameau perdu au fond d'un ravin, entouré de hautes montagnes que le ciel seul est visible, et Rita prend dès l'enfance la douce habitude d'y élever, sans cesse, ses regards ardents. On voit encore aux extrémités du village, les deux maisons de la Sainte. L'une dans la partie appelée Borghetto, a été le théâtre de son heureuse naissance et de sa vie jusqu'à son mariage. L'autre bâtie est l'endroit appelé Piazza, a été témoin de sa vie d'épouse et de mère. Cette dernière est transformée en chapelle sous le vocable de Sainte Rita. Ses parents Antonio Mancini, de Rocaporena et Amata Ferri, de Fogliano, sont d'une condition moyenne. Ils n'ont pas de titre de noblesse excepté celui que donne la vertu. L'Esprit Saint dit de Noé, qu'il est un homme juste marchant en la présence de Dieu. La même louange peut être faite de ses pieux époux. Ils jouissent du bonheur que leur procure leur modeste condition et partagent avec les pauvres les revenus que la frugalité de leur vie rend abondants. Ils aiment Dieu, méditent chaque jour la passion de Jésus et trouvent dans cet exercice salutaire la force de souffrir à l'exemple du divin Maître. De longues années s'écoulent et leur union semble privée des bénédictions du ciel. Loin de murmurer, ils se reconnaissent indignes des faveurs célestes et s'exercent à une patience plus méritoire. Dieu veut que les désirs de leur jeunesse soient vains, afin de détacher de plus en plus leur esprit des choses visibles et faire briller d'un plus pur éclat l'intervention manifeste de sa providence. Sans postérité sur la terre, ils n'ambitionnent que l'héritage du Père Céleste. Les pauvres, les affligés, membres souffrants de Jésus crucifié, sont leur famille. Dieu est grand dans ses saints. Il se joue des événements et conduit dans les sentiers de la sagesse les âmes qui se confient en sa providence. Saint Jean, le précurseur, doit être plus que prophète et le plus grand parmi les saints. Dieu le fait naître de parents âgés et stériles. Le Seigneur n'agit pas autrement pour ses fidèles serviteurs. Pendant qu'Amata persévère dans une humble et fervente prière, un ange, porteur d'une heureuse nouvelle, lui apparaît. Elle ressent d'abord un trouble profond, mais l'ange la rassure, comme autrefois fut réconfortée la Vierge Marie. Joyeuse et consolée, elle s'humilie profondément, remerciant Dieu d'avoir jeté les yeux sur son humble servante. Sa prière devient continuelle, et, inspirée par le Saint-Esprit, de concert avec son vertueux époux, elle donne à l'enfant de sa vieillesse le nom si gracieux de Rita. Il signifie, dit-on, « vertu et grâce », est considéré comme un symbole des dons extraordinaires dont Dieu se plaira, dans la suite à favoriser cette admirable créature. C'est sous le pontificat d'Urbain VI, pendant que Cassia, en révolte ouverte contre le Saint-Siège, était la proie des atrocités réciproques des Guelfes et des Gibelins. Les meurtres, les incendies, les pillages, les immoralités de toute nature suivaient la rébellion. Le schisme des antipapes désolait aussi alors l'Église d'Italie. Dans les desseins de Dieu, par une juste compensation, il fallait qu'en ce lieu où le crime avait abondé, la grâce divine surabondât. Comme une rose entre les épines, la vertu de Rita croît et resplendit aux yeux de tous. Chapitre 2. Les blanches abeilles de Sainte Rita, sa jeunesse, son amour de la retraite. Rita naquit en hiver, époque des chemins difficiles pour les habitants des villages éloignés. C'est là l'explication plausible du retard apporté à son baptême. Le quatrième jour de sa vie, elle fut portée malgré la distance, à l'église collégiale de Sainte-Marie de Cassia, pour y être baptisée. À l'aurore du lendemain de sa naissance spirituelle, un essaim de blanches abeilles, d'une espèce particulière et inconnue, voltigea autour du berceau de l'enfant. Après s'être reposé un instant sur son angélique figure, on vit les abeilles entrer et sortir tour à tour de sa bouche entr'ouverte, comme si elle prenait sur ses lèvres le miel du paradis. Quel sentiment d'admiration et de surprise agite le cœur d'Ametha et des assistants à la vue de ce prodige. Les parents d'Élisabeth et de Zacharie, témoins des prodiges opérés à la naissance de Jean, conclurent que le ciel destinait cet enfant à la plus sublime sainteté. Ainsi conclurent les voisins des heureux parents de Rita. C'est d'ailleurs ce que les peintres et les poètes ont le plus illustré dans sa vie. Il y a là assurément plus qu'une gracieuse légende. On assure qu'au couvent où Rita passa les dernières années de sa vie, entre sa cellule et l'endroit où son corps fut déposé, on remarque dans la muraille un fait prodigieux. Les abeilles de Sainte Rita ont leur nid dans un mur du couvent. Elles vivent au nombre d'une quinzaine, chacune isolément, dans un trou qu'elles ont creusé elles-mêmes, dit-on. Ces cavités ont été quelquefois bouchées par le plâtrage, mais les abeilles les ont de nouveau ouvertes. Elles ferment l'entrée de leur retraite par une substance blanche qu'elles fabriquent et filent elles-mêmes. On les voit sortir, et il est bon d'en prendre note, à des dates variables, mais toujours à des fêtes dédiées à la Passion du Sauveur, dévotion particulière de Sainte Rita. Elles retournent d'elles-mêmes à leur gîte le jour anniversaire de sa glorieuse mort. Tous les historiens de sa vie ont raconté plusieurs anecdotes à ce sujet. On ne saurait prouver que ces dernières abeilles sont les mêmes que celles qui environnèrent le berceau de Rita. Elles ne paraissent pas différer des abeilles ordinaires. Il est aussi facile à Dieu de changer la couleur des espèces existant déjà que d'en créer de nouvelles. L'extraordinaire piété des parents de Rita nous permet d'affirmer qu'ils mirent un soin constant à former son jeune cœur à l'amour de Dieu. Les connaissances qu'ils déposèrent dans son esprit la rapprocheront plus tard de celui qui semblait dès lors avoir choisi cet enfant comme un vase d'élection. Elle montra toujours une soumission absolue et une sagesse précoce. Elle ne connut pas les passe-temps de l'enfance et fit voir bientôt une aversion marquée pour toute recherche dans les habits. Elle avait même l'habitude de courir se cacher, quand malgré l'humble condition de ses parents, ceux-ci désiraient la revêtir de quelques ornements. Satisfaite de sa pauvre robe, elle prenait un soin extrême d'orner son âme, faisant une oraison continuelle. Aussi fuyait-elle toute conversation tant que le lui permettaient les bonnes manières. Un geste de ses parents lui semblait un ordre du Dieu qu'elle aimait en eux. L'amour de Rita pour la retraite et la prière lui faisait rechercher le tabernacle, on était sûr de la trouver chez elle ou à l'église où elle passait, malgré son jeune âge, des heures entières à méditer et à prier. De bonne heure aussi, elle pratiqua différentes mortifications, surtout le jeûne. Elle distribuait aux pauvres enfants du voisinage la nourriture qu'elle refusait, unissant ainsi les fruits de la miséricorde et de la charité à ceux de la pénitence. À l'exemple de Saint Jean-Baptiste, elle s'appliqua à l'amour de la solitude, désirant comme lui mener au désert une vie plus angélique qu'humaine. Obligée de vivre au sein de sa famille et de vaquer aux occupations du ménage, elle supportait comme un fardeau les soins matériels dont elle désirait être délivrée. L'amour divin qui l'embrasait la rendit industrieuse et lui fit trouver dans sa demeure la solitude qu'elle convoitait. Avec le consentement de ses parents, elle choisit une petite chambre isolée des autres et en fit son oratoire. Les murs en étaient décorés d'images de la Passion de Jésus. Elle aimait à s'y enfermer comme dans un lieu de délices. Son divin amant l'attendait là pour parler à son cœur, loin du regard des hommes. Il lui fit goûter les ineffables consolations de la grâce, bonheur que les profanes ne connaissent pas. Unissant complètement son cœur au divin crucifié, pour qui seule elle vivait, elle reconnut bientôt que tout ici-bas est vanité et affliction d'esprit. Elle résolut alors de s'ensevelir dans le cloître, mais son extrême jeunesse y mit obstacle. La sainte enfant vécut 12 mois dans sa chère retraite, puis l'obligation d'assister ses parents vieux et infirmes. Les devoirs de la charité et de l'obéissance l'en tirèrent, pour la placer dans la vie active. Rita ne connut pas alors les desseins de Dieu sur elle, comme elle devait servir de modèle à différents états de sa vie, elle eut à remplir d'autres fonctions, avant d'arriver au cloître qu'elle désirait. Durant l'année 1393, l'Église, affligée par l'hérésie et le schisme, source de tant de maux, fut glorifiée par la vertu de plusieurs saints remarquables. La vue des désordres universels excitait dans le cœur de Rita des sentiments de répulsion pour la vie des mondains et elle se reportait avec délice à la joie intérieure dont elle avait joui dans sa chère solitude. Le couvent vers lequel la portaient ses désirs était celui de Sainte-Marie-Madeleine, habité par les religieuses augustines. Rita ignorait le temps marqué par la Providence pour l'accomplissement de ses vues sur elle. Aussi pleine d'une sainte impatience, elle fit connaître à ses parents sa détermination de consacrer à Dieu sa virginité dans une vie religieuse, et les supplia humblement de la laisser obéir à la voix céleste. À cette nouvelle, des larmes inondèrent leurs figures ridées malgré leur grande piété. Ils ne cachèrent pas le trouble et la peine qu'ils ressentaient et la conjurèrent avec instance de ne les abandonner point dans leur vieillesse solitaire. Leurs pleurs touchèrent le cœur si tendre de Rita et son amour filial prévalut. Elle sacrifia ses goûts et remit à une époque plus favorable la réalisation de son noble dessein. Chapitre 3. Le mariage de Rita. Sa vie d'épouse, mort de son mari et de ses enfants, son veuvage. Les vieux parents de Rita, craignant toujours de perdre l'unique trésor de leur vieillesse, voulurent l'établir dans le monde, par un mariage qu'ils jugèrent convenable. Les yeux des vieillards ne voient pas toujours clairement, et le jeune homme qu'ils choisirent était vicieux et irascible, en un mot, il avait tout ce qu'il fallait pour exercer la patience et la vertu de Rita. Le cœur de cette dernière n'était plus libre, elle l'avait donné au divin crucifié. Aussi supplia-t-elle ses parents de la laisser vivre auprès d'eux dans la virginité. Son aversion et ses pleurs étaient causées par la crainte de voir fermer devant elle la voie conduisant à la vie monastique, objet de ses constants désirs. De plus, elle ressentait une frayeur extrême à la seule pensée d'être plongée dans ce monde pervers où elle aurait à remplir les redoutables devoirs de la vie conjugale. Elle eut recours au Père de toute lumière par une humble prière, un complet abandon, et encore une fois son amour filial et son obéissance en firent une victime pour un nouveau sacrifice. L'obéissance parfaite demande un saint aveuglement. Elle ne prit donc aucun renseignement sur la fortune et les qualités de son futur époux. Le consentement qu'elle donna généreusement, plus par soumission que par attrait, remplit ses parents d'allégresse. Elle parut dans tout l'éblouissement de sa beauté et de sa jeunesse, au pied des autels pour signer cet indissoluble contrat que Jésus-Christ a élevé à la dignité de sacrement. La joie des parents des parties contractantes n'atteignit pas le cœur de la pieuse épouse, qui songeait aux moyens à employer, afin de remplir héroïquement les nouveaux devoirs de la vocation où Dieu la voulait. Rita passa de la virginité à l'état conjugal, et cet abaissement vers un état moins parfait était destiné à l'élever à un plus haut degré de gloire. Ainsi sainte Monique, dont elle fut une digne imitatrice, n'aurait pas été la mère de saint Augustin, elle n'aurait pas ramené à Dieu, Patrice, son mari. Elle n'aurait pas eu un si vaste champ pour exercer sa patience et sa force. Conséquemment, elle n'aurait pas laissé ces exemples de vertu que son Augustin admire et exhale dans ses confessions, si la divine providence ne l'avait conduite dans les sentiers où longtemps après Rita a marché. Les voies sont différentes et diverses sont les dons. Mais le même esprit guide les âmes d'une manière étonnante vers le bien suprême. La voie des tribulations est celle que le Seigneur a choisie pour Rita et, au moyen du mariage, il l'éprouve et la purifie, comme l'or dans le creuset. Elle passe de la soumission filiale à l'esclavage, sous un mari tyrannique. À peine l'horreur de son mariage a-t-elle fui, que celui qui a promis devant Dieu de la protéger, la maltraite par des reproches, des injures, des menaces et même des coups, dont l'unique cause se trouve dans le tempérament brutal de ce dernier. Mais Rita a étudié à l'école du divin crucifié, elle a déjà appris à vaincre ses passions, jusqu'à surabonder de joie au milieu des tourments. Elle sait que la patience chrétienne est la preuve d'une réelle vertu et la base de l'espérance du bien inestimable qui en sera la récompense. Bienheureux ceux qui souffrent pour la justice, et Rita met tous ses soins à plaire à son mari que rien ne peut satisfaire. Elle observe, essaie de découvrir ses aspirations, s'ingénie à deviner ses secrets désirs. Étudie son caractère afin de lui éviter le moindre sujet de contrariété. Elle sait aussi que l'épouse chrétienne doit à son mari le même respect, la même obéissance que l'Église a pour Jésus-Christ. Non seulement elle le sait, mais elle le pratique de telle façon que tous ceux qui connaissent la brutalité naturelle de Ferdinand sont dans l'admiration. Elle pousse si loin cette soumission que jamais elle ne sort de sa maison, même pour aller à l'office divin, sans sa permission. Malgré tout, la lutte dura longtemps entre la cruauté du mari et la douceur de la femme, entre le vice et la vertu, entre l'orgueil et l'humilité, l'arrogance et la soumission, entre la puissance à affliger et l'habileté à souffrir. Mais la victoire resta à la vertu. À la fin, ces longues souffrances amollirent le cœur de son mari et amenèrent le calme de l'union sous leur toit. Ferdinand promet un jour à sa vertueuse épouse, en retour d'un pardon généreusement accordé, de travailler à se convertir et pour la consolation de cette dernière, il tient sa promesse. Toujours héroïque dans son humilité, elle glorifie Dieu, seul maître des cœurs, de cette victoire. Pourtant elle lui avait employé toutes les grâces naturelles et surnaturelles dont Dieu l'avait enrichi. Deux fils étaient nés de leur union, Gian Giacomo et Paolo Maria, tous les deux héritaient du tempérament querelleur et irascible de leur père, et son exemple ne servit point à les améliorer. Imaginons la surveillance constante dont elle les entoure afin qu'ils ne soient point témoins de la brutalité de leur père, qu'ils doivent respecter. Les maximes de l'Évangile pénétrèrent moins dans l'esprit de ses enfants, par ses paroles que par ses exemples, et les parents et les éducateurs devraient retenir et pratiquer cette vérité, qu'un seul bon exemple vaut mieux que la meilleure prédication. Elle met tout en œuvre, action, avis, blâme, menace, châtiment, pour attirer ces jeunes plantes vers le soleil de la justice. Les souffrances qui lui viennent de son mari sont doublées par les inclinations perverses et la haine de tout frein qu'elle voit paraître dans ses fils. Assujettie à tant d'afflictions, elle ne désespère pas et continue d'élever jour et nuit ses mains suppliantes vers le ciel, cherchant en Dieu seul quelque réconfort dans ses angoisses. Elle ne permet pas donc à son zèle de se relâcher, à sa patience, de s'émousser, à sa surveillance de s'endormir. Pour cela, elle prie sans cesse. Ces méditations continuelles pour la passion de notre Seigneur sont une consolation dans sa détresse. La communion fréquente apporte le calme à son trouble et sa dévotion particulière à Notre-Dame, consolatrice des affligés, à Saint Jean-Baptiste et à Saint Augustin, lui fait oublier son malheur. Les femmes du monde, endurant de semblables tortures, estime qu'elles sont dispensées de la pratique des autres mortifications, et trouve moyen de s'exempter même des jeûnes de précepte. Rita est dans le monde, mais n'est pas du monde en ce sens qu'elle n'en a pas l'esprit. Loin de cesser ses austérités, elle les multiplie depuis son mariage. Pourtant, elle a assez de vigueur et de force pour vaquer à toutes les occupations de son intérieur et pour soulager les misères du pauvre. Au chevet des malades, elle est infatigable. En un mot, elle se fait tout à tous, parce qu'elle pratique la charité de Jésus-Christ. Au dehors, on ne la voit qu'à l'église ou dans l'exercice de la charité fraternelle, et partout, sa modestie angélique, la bonté et la paix intérieure qui brillent dans sa tenue édifient le prochain. La parure, qu'elle avait abhorrée dès son enfance, lui plaisait de moins en moins, puisqu'elle était plus avancée dans la perfection. Se contentant d'attirer les regards de Dieu, elle évitait ceux des hommes, mais voyait toute négligence inconvenant dans sa toilette. Dans ses rapports avec autrui, toujours distinguée et agréable, elle possédait un tact particulier qui lui faisait éviter toute communication n'ayant pas pour but Dieu ou l'édification du prochain. On n'entendit jamais sortir de ses lèvres, contre son mari, ces plaintes si communes, lorsque certaines femmes mariées se rencontrent. Si l'une d'elles, connaissant la cruauté de Ferdinand, voulait provoquer ses confidences, par une pitié affectée, elle s'apercevait bientôt que notre sainte avait habilement détourné la conversation. Autre sainte Monique, elle était devenue la femme forte par excellence modèle des épouses. Rita avait réussi à adoucir la barbarie qui semblait naturelle à Ferdinand. Elle avait mis en œuvre tous les moyens à sa disposition. Mais les ennemis de son mari, se rappelant leur ancienne haine, avaient-ils résolu de se venger des offenses passées ou lui-même dans un excès de passion, s'exposa-t-il à de nouvelles querelles? Quoi qu'il en soit, un fait est prouvé. Celui qui avait été pendant 18 ans, l'époux de Rita fut odieusement assassiné près de Rocaporena. On voit encore l'endroit où fut trouvée la victime. Aussitôt ce tragique événement connu, Rita paya à la nature le tribut de ses larmes. Elle connut alors quelle place occupait dans son cœur blessé le mari qui avait été pour elle la cause de tant de pleurs. Seul maintenant à pourvoir à l'éducation de ses deux fils, la pieuse veuve a des réflexions plus élevées. Ce n'est pas son isolement qui l'affecte, mais la pensée du jugement que Dieu a porté sur l'âme de son mari. Un esprit de foi ordinaire suffit pour inspirer l'horreur d'une mort violente. Que penser alors de la crainte, des angoisses de Rita concernant le salut éternel de Ferdinand? Quelles circonstances, quelles actions de part et d'autre avaient précédé et accompagnent l'homicide? Elle s'affligeait à la pensée qu'il avait paru devant son juge, privé du secours des sacrements. Son esprit de foi, qui la faisait doublement souffrir, l'éleva bientôt au-dessus de toutes les considérations humaines. Elle adora les secrets jugements de Dieu et le calme revint dans son cœur meurtri. Les saints n'ont pas besoin des vides consolations du monde, ils trouvent dans la religion la force que la raison seule ne peut donner. À l'exemple de Jésus, priant pour ses bourreaux, elle pardonna généreusement aux cruels meurtriers et les recommanda avec ardeur à la miséricorde divine. Malgré leur jeune âge, ses fils méditèrent bientôt de venger la mort de leur père. Consternée, Rita les excita à la résignation, leur parla des grandes vérités de la foi, de la nécessité du pardon. Mais elle ne put toucher le cœur vindicatif de ses enfants. Oppressée par la crainte de nouveaux crimes, en dépit de son amour maternel, elle supplia le Seigneur de changer leur cœur ou de les retirer du monde. Ses larmes furent écoutées, et ses fils moururent peu après. Toujours forte dans sa foi et son amour, elle remercia le Seigneur de les avoir enlevés de ce monde et soustraits au danger d'une mort plus redoutable, celle de l'âme. Maintenant seule au monde, elle n'a d'amour que pour Jésus crucifié, ne trouve de consolation que dans les œuvres de miséricorde. Se privant du nécessaire pour soulager les malheureux. Sa robe était de serge grossière, l'hiver, elle y ajoutait un manteau d'une forme sévère. L'ardent désir qui l'avait si souvent transporté, la saisit de nouveau. Consciente de l'appel de son divin époux, elle demanda son admission chez les religieuses augustines de Sainte-Madeleine. Sa requête fut vaine. On crut inconvenant et contre la coutume de recevoir une veuve dans un couvent de vierges. Affligée, mais soumise à la volonté de Dieu, Rita considérant sa bassesse, se reconnut indigne d'un si grand honneur. Cependant, comme Abraham, elle espéra contre toute espérance. Trois fois, elle retourna au cloître et trois fois elle fut repoussée. De plus en plus conforme à son divin amant, elle s'unit à ses opprobres et supporta les humiliations bravement jusqu'à ce qu'enfin ses désirs fussent réalisés.